pour dire à la maison, ou plus précisément être à la maison, on utilisera le mot chinois pour maison, qui est 家, 家, 不是 vers coucher, 家 pour dire maison. Et dans la transcription en alphabet romain, ce mot s'écrit J-I-A, avec un ton du pouce vert couché. Il signifie maison. Donc, comment dites-vous maison ? Tia. Comment dites-vous maison ? Tia. Alors, se trouver à la maison, être à la maison, se dit ? Zai, tia. Zai. Doigt noir pointé vers le sol. Zai, tia. Pour dire à la maison. C'est le même zai que celui que nous avons employé pour le en temps de ou dans la deuxième partie de maintenant, xian zai. C'est le même caractère. Il signifie se trouver à un endroit ou se trouver quelque part. Et donc ici, nous avons se trouver à la maison, être à la maison. Il se sent chez lui en Dzungari comme à Jakarta. Il est à la maison, zai jia. Partout. Comment dites-vous « il est à la maison » sans traduire « là » Alors, il est ? Ta, shi. Bien, mais « zai » inclut déjà « se trouver »,« être à » ou tout ce qui permet de dire « être quelque part ». Donc, pour dire « il est à la maison », on dira simplement « ta, zai ». Donc, comment dites-vous « elle est à la maison »« Elle se trouvait maison »« Ta, zai, jia. Elle est à la maison »« Ta, zai, jia. Est-il à la maison ?»« Ta, zai, jia, ma. Est-il à la maison ?»« Ta, zai, Tiens, demandez, sa mère est-elle à la maison ? Littéralement, sa mère se trouvait maison, plus le mot interrogatif. Ta de maman, zai, tiens. Sa mère est-elle à la maison ? Ta de maman, zai, tiens. Son ami est-il à la maison ? Littéralement, son ami se trouvait maison, plus le mot interrogatif. Ta de zai jia. Vous êtes sûr ? Pardon, ami. Ta de peng you zai jia ma ? Son ami est-il à la maison ? Ta de peng you zai jia ma? Sa petite amie est-elle à la maison? Littéralement, sa petite amie se trouvait maison, plus l'interrogatif. Ta de nu peng you zai jia ma? Comment dit-on se trouver à? Zai. Oui, zai. Et comment dites-vous maison ? Jia. C'est ça, jia. Sa petite amie est-elle à la maison ? Ta de nu peng you zai jia ma ? Son professeur est-il à la maison ? Ta de lao lao shi. Zai, jia ma. Son professeur est-il à la maison? Ta de lao shi, zai jia ma. Son professeur n'est pas à la maison. Son professeur? Ta de lao shi. Pas à la maison. Pu, bu zai, jia. Son professeur n'est pas à la maison. 他的老师不在家。Donc, on utilise le trampoline avec 不在。Ça fait du bien de faire un peu de gymnastique, non? Et maintenant, dites, sa mère n'est pas à la maison. 他的妈妈不在家。 Sa mère n'est pas à la maison. 他的妈妈不在家。 Son ami français n'est pas à la maison. 他的法国朋友不在家。家。 Son ami français n'est pas à la maison. 他的法国朋友不在家。 Ton ami anglais est à la maison. Ton ami anglais. 你的英国朋友 est à la maison. 在家。 Comment dites-vous ami? 朋友。 Oui, 朋友。 Mais ton ami chinois n'est pas à la maison. 可是你的中国朋友不不在家。 Ton ami anglais est à la maison, mais ton ami chinois n'est pas à la maison. 你的英国朋友在家，可是你的中国朋友不在家。 Qui est à la maison? Qui? 谁 se trouver à la maison? 在家。 Qui est à la maison? 谁在家？ Pourquoi ici « 谁» n'est pas à la fin ? La personne qui fait une action quelconque, quelle que soit cette personne, se place toujours au début de la phrase. Hein, tu fais cela, elle fait cela, qui fait cela ? Donc, même si c'est un interrogatif, il ne se met pas à la fin parce que le « qui fait l'action ». D'accord, merci. En chinois, cela ressemble plutôt à une affirmation. Oui, quand on utilise le verbe « être » en chinois, c'est presque comme un signe égal. Ce qui est d'un côté du signe est égal à ce qui se trouve de l'autre côté. Donc si on dit « qui est-ce », le « qui » et le « ce » sont égaux. Dans notre exemple, « à la maison », on dit en fait « qui se trouve à la maison ».« Qui », c'est la personne qui fait l'action, c'est-à-dire « se trouver à la maison ».« Zai » est en réalité un verbe en chinois. Il signifie « se trouver » ou « être à ». Donc, dans « qui est à la maison », ils ne sont pas égaux. Le « qui » et « être à la maison » ne sont pas équivalents. Contrairement à « qui est-ce » ou « qui et ce » sont, dans ce cas, équivalents. Oui, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, « qui est à la maison ?»« 谁在家?» Mon bon copain est à la maison. Copain ou ami. 我的好朋友在家。 Mon bon copain est à la maison. 我的好朋友在家。 Qui est à la maison? 谁在家。 Qui est à la maison? 谁在家。 Ta mère est à la maison. 你的妈妈 在家。 Comment dites-vous se trouver à? 在。 Comment dites-vous maison? 家。 Ta mère est à la maison. 你的妈妈在家。 Ta mère n'est pas à la maison. 你的妈妈不在家。 Ta mère n'est pas à la maison. 你的妈妈不在家。 Elle est à la maison maintenant. Ou littéralement, elle maintenant se trouvait maison. Ta...现在在家。 Elle est à la maison maintenant. 她现在在家。 Est-elle à la maison maintenant? Elle est à la maison maintenant, plus le mot interrogatif. Elle maintenant se trouve à la maison, plus le mot interrogatif. 他现在在家吗 ？Est-elle à la maison maintenant？ 他现在在家吗 ？Et vous répondez oui ou dans ce cas précis se trouve à 在 se trouve à ou oui 在 Donc encore une fois en chinois 在 fonctionne comme un verbe.Il inclut « se trouver » ou « être » et se traduit par « se trouver » ou « être à » en français. Et quand on veut dire « ne pas se trouver »,« être » à la forme négative, il suffit de mettre « 不 » juste devant. Et cela devient « 不在 ». Oui, oui, avec le trampoline. Merci. Le mot interrogatif « où » En chinois, se dit 哪儿哪儿 Vers rouge de la victoire 哪儿 Pour dire où. En pinyin, il s'écrit N-A avec le V rouge de la victoire suivi de R. N-A-R, c'est le mot pour dire où. 哪儿où 哪儿 est passé le renard.Où est-il maintenant? Il maintenant se trouve où? 他现在在那儿哪儿哪儿 Où est-il maintenant? 他现在在哪儿 On a déjà vu que pour dire à la maison,Se trouver à la maison, 在家 on utilise se trouver quelque part, 在 Et pour se trouver où, on dira 在哪儿 On emploie exactement le même mot, exactement la même structure. Dites-moi, où est ton professeur? Je voudrais apprendre le chinois maintenant. Ton professeur se trouve où? 你的老师在哪 ？Comment dites-vous, professeur? 老师 老 老师 Oui, 老师 Où est ton professeur? 你的老师在哪儿 Je voudrais apprendre le chinois maintenant. Alors, je... Maintenant... voudrais apprendre... le chinois. Oui, exactement. Alors, disons-le encore une fois. D'abord, nous voulons savoir qui. Puis, nous voulons savoir quand. Et enfin, on veut savoir quoi.Ce qui correspond ici à « apprendre ». Où allons-nous trouver le mot « apprendre » Dans dans le mot étudiant. C'est 学生, 生 indique qu'une personne fait une action. La première partie signifie apprendre. Donc c'est une personne qui apprend. Exactement. 我现在想学中文. Je voudrais apprendre le chinois maintenant. 我现在想学中文. Où est sa maison? Autrement dit, sa maison se trouve où? 他的家在哪儿? Où est sa maison? 他的家在哪儿?